Quand Eugène revint à la pension, il trouva le père Goriot qui l'attendait. « Tenez, dit le bonhomme, voilà une lettre d'elle. Hein, la jolie écriture !» Eugène décacheta la lettre et lut. « Monsieur, mon père m'a dit que vous aimiez la musique italienne. Je serais heureuse si vous voulez me faire le plaisir d'accepter une place dans ma loge. Nous aurons samedi la Fodor et Pellegrini. Je suis sûr alors que vous ne me refuserez pas. Monsieur de Nucingen se joint à moi pour vous prier de venir dîner avec nous sans cérémonie. Si vous acceptez, vous le rendrez bien content de n'avoir pas à s'acquitter de sa corvée conjugale en m'accompagnant. Ne me répondez pas. Venez et agréez mes compliments. D. de N. Montrez-la-moi, dit le bonhomme à Eugène quand il eut lu la lettre. Vous irez, n'est-ce pas? Ajouta-t-il après avoir flairé le papier. Cela sent-il bon? Ses doigts ont touché ça, pourtant. Une femme ne se jette pas ainsi à la tête d'un homme, se disait l'étudiant. Elle veut se servir de moi pour ramener de Marsay. Il n'y a que le dépit qui fasse faire de ces choses-là. Eh bien, dit le père Goriot, à quoi pensez-vous donc ?